بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc toujours dans le chapitre de ma jaa fi ar-ruqa wa at-tamaim donc le cheikh a parlé dans ce chapitre là on a vu de la ruqya et des talismans et du hukm de la ruqya et des talismans et les détails concernant la ruqya. On a vu que la ruqya à la base c'est quelque chose qui est permis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La ba'sa bar ruqa ma lam takuna shirka » C'est rapporté dans Sahih Muslim. Et c'est pour ça qu'on avait dit, on avait mentionné que dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ce hadith qui est donc un hadith qui est thabit et authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwarata shirkun. On a dit que ce texte là donc les incantations, le ruqya, les talismans et at-tiwala, tout ça sont du shirk, une sorte d'association à la base mineure, et que ce texte-là, on comprend de ce texte-là la généralité, c'est-à-dire que ruqa, les incantations, on a dit, elles qui rentrent sur al-jam' ruqa wa tama'im, le fait de l'umum, on comprend ça la généralité. Et on avait dit qu'il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de la ruqya sur de réciter donc les incantations sur les malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il a pratiqué la ruqya sur ses compagnons et que la ruqya a été pratiquée sur lui-même. Et encore une fois, dans le hadith qu'on a cité dans Sahih Muslim, la ba'sa bar ruqa ma lam takuna shirka, pas de mal contre les incantations tant qu'elles ne contiennent pas du shirk. Et donc on a dit que dans ce hadith là on appelle ça les ulama. En fait il y a deux paroles chez les ulama de usul. Soit on dit que c'est, on appelle ça tarsis al umum, c'est à dire que inna ruqa, ça on comprend ça la généralité, toutes les ruqya. Mais on a des hadiths qui vont tarsis, c'est à dire qui vont émettre des particularité, c'est-à-dire il y a certaines ruqya qui sortent de ce hukm-là, ruqya du shirk, mais pas toutes les ruqya, c'est la ruqya qui contient du shirk. Ou alors certains usuliyin, et c'est Allah alam, c'est le plus juste dans ce hadith-là, ils vont dire que ils appellent ça am yuradu bihi al khusus, c'est-à-dire que c'est un mot ruqa, c'est un mot, on comprend ça, la globalité, la généralité, toutes les ruqya, mais que ce qui est voulu d'emblée, dès le départ, c'est une ruqya bien particulière, c'est celle qui contient du shirk. Al-Muhim, ça c'était concernant la ruqya, et on a parlé du hukm de la ruqya, on a dit qu'on a la ruqya qui est mustahabba, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé, et ça on a dit que ça comprend la ruqya qui a été est rapporté de lui, comme on avait vu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, où le Prophète sallam disait adhhib al-bas rabb an-nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, et d'autres hadith qui viennent. On avait vu certains aussi dans le wasitiyah, certains hadith qui sont utilisés dans la ruqya. Donc la bas bar ruqa ma lam takuna shirka, et on a vu aussi qu'il est à la base, donc basé sur ce hadith là rapporté par Muslim, pas de mal dans la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk, que la base dans la ruqya c'est l'ibaha, c'est la permission, et que donc même si une ruqya elle est faite à partir de dua entre guillemets qui sont faites par le serviteur lui-même, c'est-à-dire qui ne sont pas ma'thoura, qui ne sont pas rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que c'est des du'as qui sont permises, qui mentionnent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, etc., la bas biha, yani c'est permis, même recommandé. La ruqya qui est interdite, c'est celle qui contient évidemment du shirk, et on avait vu aussi, c'est celle qui contient, comme les ulama ils disent, qui contient des choses qu'on ne comprend pas, des mots qu'on ne comprend pas. Parce qu'en général, ça peut, ou on n'est pas à l'abri que ce soit des choses qui rentrent dans le shirk. Comme mentionne des fois des noms de djinns, ou des invocations dans une langue qu'on ne comprend pas. Et donc là, saddan les dhara'i' et shirk, pour bloquer vraiment les routes qui mènent au shirk, ces ruqya-là, elles sont interdites. Même si on ne dit pas que c'est du shirk d'emblée, parce qu'on ne comprend pas le sens, mais elles sont interdites parce qu'elles peuvent mener au shirk. Et donc ça, c'était concernant la ruqya. Et on avait vu que la ruqya aussi la plus efficace dans le hadith de Buraïda, la ruqyata illa min aynin wa huma. Donc là, on avait dit, comme faïda, que la ruqya qui est la plus efficace, c'est la ruqya contre le mauvais œil et contre donc les piqûres d'insectes venimeux, scorpions, etc. Concernant Tamaim, il avait cité donc le khilaf qu'il y a concernant. Chez les salafs, concernant At-Tamima, c'est-à-dire le talisman qui est produit avec des versets du Coran ou des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des choses qui sont écrites sur un bout de papier ou sur quelque chose, un bout de. Et qui sont repliées, mis dans une peau ou dans quelque chose et qui sont utilisées comme talisman. Aussi, on a vu qu'il y a un khilaf entre les salafs et que certains parmi les salafs, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhumah, lui voyait d'autres que c'était permis et qu'il prenait, on avait dit comme dalil, la globalité ou la généralité de ce qu'on comprend de la parole d'Allah Jalla wa Ala, et nous révélons du Coran ce qui est une guérison. Mais on a vu que les autres, donc on a vu que c'est une riwaya chez l'imam Ahmed et chez certains fuqaha, mais que la majorité des Ahl al-Ilm, ils disaient, et des compagnons et des salafs, disait que c'était haram en se basant sur ce hadith-là, donc le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, inna ruqa wa tama'im. Wa tama'im ici, de la même manière que pour ruqa, tama'im, on a elle qui rentre sur le pluriel, tama'im, pluriel de tamima, et ça, on comprend ça, donc de par la langue arabe, la globalité, la généralité, c'était tous les talismans. Tous les talismans. Donc, ce qu'on accroche et auquel est liée une croyance, que c'est un sabab, etc., rentre dans le shirk. Et ici, on n'a pas de dalil qui va particulariser, qui va sortir certaines choses de ce hukm-là, comme on l'avait dit. On n'a pas de tarsis, on n'a pas de mukhassis, comme il l'avait dit, le shirk, pour dire qu'il y a certaines choses, et ici en l'occurrence, un tamim, un talisman qui serait fait à partir du Coran, qui sortirait du hukm. Mais on a la globalité et on n'a rien pour sortir des choses de ce hukm global. Et tiwalata, on avait dit mutlaqan, puisque tiwala c'est une sorte, on avait dit, de sihr, et donc ça rentrait dans le shirk de manière mutlaqan. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de khilaf concernant tiwala, donc c'est la différence entre les trois choses. Il restait dans ce chapitre-là le dernier hadith que le shir il cite dans le matin. Donc il dit wa rawa al-imam Ahmad wa rahimahullah ta'ala an Ruwayfi' qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Ruwayfi' la'alla al-hayata tatulu bik فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah dans son musnad, donc qui remonte jusqu'à Ruwayfi', le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Informe les gens que celui qui noue sa barbe, c'est-à-dire qu'il la tresse, ou qui utilise, qui accroche le wataran. On avait vu ce que c'était le watar à la base. Je ne sais pas si on avait évoqué ça, mais à la base, ils utilisaient pour faire des cordes d'arc. Ils utilisaient des choses qu'ils avaient récupérées de, par exemple, de brebis, un nerf, quelque chose, et l'utilisaient comme la corde d'un arc. Ils disaient à partir d'un chêne, d'une brebis ou quoi, des nerfs. Et lorsque cette corde, on avait dit, était usée, ils la remplaçaient et l'utilisaient comme pendentif pour le mettre au cou, autour des cous des bêtes pour les protéger dans leur croyance du mauvais œil. Donc, أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دبة ou alors qui fait l'istinja, c'est-à-dire qui se nettoie des impuretés après les besoins, avec du crottin ou avec des os. Celui-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de lui. Ça, c'est le hadith qui cite concernant notre sujet-là. Donc, le Cheikh Ibn Qasim, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Hashia? Donc, concernant Ruwayfi' radiallahu ta'ala an, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa ibn Thabitin, ابن السكان بن عاد بن الحارث من بني مالك ابن النجار الأنصاري له ثمانية أحاديث نزل البصرة وولي برقة وترابلس فافتتح إفريقيا سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 والحديث رواه أبو داود من طريقين والنسائي وغيرهما. Donc Urwayfi s'appelait Ibn Thabit, il était s'appelait Urwayfi, Ibn Thabit, fils de Thabit, fils de Sakan, fils de Adi, fils de Harith, il a akhirihi al-Ansari. Et on, il a été rapporté 8 ahadith de lui. Il est allé à Al-Basra et il a gouverné la région de Barqa et de Tarablus. Et il a participé donc dans le Futuhat en Afrique. Dans l'année 47 de l'Hégire, et il est mort à Barqa en l'an 56 de l'Hégire. Et le hadith, ce hadith là, il est rapporté donc après avec l'imam Ahmed, aussi par l'imam Abu Daoud, donc avec deux chaînes de transmission, et par l'imam Nasa'i et d'autres. Et ce hadith qui est thabit, c'est un hadith qui est sahih. Donc il dit, il s'adresse à Ruwayfi en lui disant qu'il va vivre longtemps, et ici il dit fihi alamun min a'lam min nubuwwatihi sallallahu alayhi wa sallam fa inna Ruwayfi an talat hayatuhu ila sanati 56. Il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe de sa prophétie, puisque Ruwayfi effectivement il a vécu encore longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'en l'an 56. Fakhbir al-Nas informe les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne à Ruwayfi' de transmettre le message qu'il lui donne. Il dit, fid dalil wujub ikhbar al-Nas bima umiru bih wa nuhu an mimma yajibu fi'luhu aw tarku wa laysa mukhtassan bi Ruwayfi' بل كل من كان عنده علم ليس عنده غيرهم مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به فإن الله قد أخذ العهد على العلماء فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. Donc il y a dans ceci une preuve sur l'obligation de transmettre la science. Donc la science qui la science religieuse qui contient ce qu'Allah Jalla wa'ala et son messager ont ordonné et ce qu'ils ont interdit. Et ceci, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à Ruwayfi', même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse à Ruwayfi' dans ce hadith-là. La base, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne quelque chose à quelqu'un, même si c'est une personne en particulier, c'est qu'on tire de là la généralité, que cet ordre-là, il concerne tout le monde, à moins qu'il y ait un autre dalil, ce qu'on appelle qarina, qui montre que cet ordre-là ou cet interdit-là ne concerne que cette personne-là. Mais il dit c'est une règle générale, puisque n'importe qui détient une science que personne d'autre ne détient et dont les gens ont besoin, il lui est obligatoire de la transmettre. Donc ce qui vise ici, c'est que c'est fard ayn. S'il y a quelqu'un qui a reçu une science du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et qu'aucun autre compagnon n'a eu cette science-là, il lui est ordonné, c'est-à-dire fard ayn, il lui incombe à lui-même de transmettre cette science-là aux autres. Il dit, par contre, s'il y a plusieurs compagnons, d'une manière globale, si à un moment donné, si à une époque donnée, une science est détenue par plusieurs gens qui détiennent la science, alors ça devient fard kifaya, c'est-à-dire si un ou deux ou trois, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont suffire à transmettre cette science à tout le monde, alors ça devient fard kifaya. C'est plus fard ayn, ça devient fard kifaya. Si on a 10 personnes qui détiennent la science et qu'il suffit qu'il n'y en ait que 2 pour transmettre cette science et la propager, alors ça devient fard kifaya. S'il y en a 2 qui s'en occupent, l'obligation tombe concernant les autres. Ça, c'est valide pour tout ce qui est fard kifaya. Comme ce qu'on appelle, on avait vu par exemple dans pareil, l'amr bil ma'ruf ou nahi anil munkar. Si on a un groupe qui s'occupe d'ordonner le bien et d'interdire le mal, si bien que ce groupe-là se suffit à ce que cette mission-là soit remplie, ça suffit. Comme Allah Jalla wa Ala dit, فَلْيَكُمْ مِنْكُمْ وَفَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Un groupe. تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Il y a un groupe d'entre vous qui appelle au bien qui interdit le mal, comme on l'a vu l'akhiri, comme on l'avait vu dans Al-Wasiti. Donc là, il va citer trois choses. Et il va donner à la fin du hadith un hukm qui est lié à ces trois choses-là. Celui qui noue ou qui tresse sa barbe. Il dit بكسر اللام لا غير يعني لحية لحية دي اللحية والجمع اللحى واللوحة بالكسر والضم donc le pluriel de لحية c'est لحى واللوحة ويفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب يعقدون لحاهم وذلك منزل عجيم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث قال ابن العراقي والأول حمله على عقد اللحية في الصلاة كما في رواية محمد ابن الربيع أن من عقد لحيته في الصلاة ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. Donc cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de le fait de nouer la barbe ou de tresser la barbe, elle s'explique de deux manières. Il dit ça c'est une chose que les gens de l'Jahiliya ils faisaient pendant la guerre. Ils nouaient leur barbe et ils les tressaient. Et ils faisaient ça yani, par orgueil ou par fierté, par orgueil, par donc c'est quelque chose, hein, ça fait partie des habitudes de l'Hajj midi. Et donc ça rentre clairement dans ici la cause de l'interdiction, c'est التشبه بالكفار كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Ça rentre dans la ressemblance à ces gens-là qui faisaient ça pendant la guerre. Takabburan wa ujba. La deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le fait de traiter comme ça la barbe, il dit pour qu'elle devienne, pour la boucler ou pour la tresser, pour qu'elle se boucle. Il dit ça c'est quelque chose qui est de l'ordre ou c'est quelque chose que habituellement c'est les femmes qui font ça avec leurs cheveux. C'est les femmes qui font ça avec leurs cheveux et donc là-dedans il y a quelque chose de la ressemblance aux femmes. Teshabbuh bin nisa comme on avait vu dans ou comme on a donc la première raison c'était teshabbuh bil kuffar yani bil a'ajim La deuxième raison, teshabbuh bin nisa. C'est nisa, c'est les femmes qui traitent leurs cheveux pour leur donner une certaine forme, etc. Il y a une autre riwaya qu'il n'a pas citée, qui est rapportée et qui pourrait avoir un lien avec le chapitre. C'est il y en a certains qui faisaient ça, donc qui tressaient leur barbe par peur du mauvais œil, pour repousser le mauvais œil. Wallahu alam, il ne l'a pas cité ici. Wal-Iraqi Abu Zur'a, il dit, et le plus juste, c'est de comprendre cette interdiction-là, donc le fait de tresser la barbe, de nouer la barbe dans la prière, comme ça vient dans une riwaya de Mohammed ibn Rabi'a, celui qui noue sa barbe ou qui tresse sa barbe dans la salat. Et ceci ressemble, Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, il dit dans Fath al-Majid que le plus juste c'est l'umum, c'est-à-dire que ce soit dans la salat ou en dehors de la salat. Et ceci ressemble à ce que font beaucoup parmi les gens, donc, parmi les gens de l'orgueil et du fisc. C'est-à-dire, eux, ce que certains font, pareil, à tresser leur moustache ou à traiter leur moustache et à les tresser, à les rouler et à les laisser. Comme c'était fait par certains mouchrikines, comme le Medjous et d'autres. Et ceci contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam thabita, qu'on trouve dans Sahihayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tailler les moustaches et laisser pousser les barbes. Ahfou, al-ihfa, les ulama, ils ont divergé. Il y a un long khilaf là-dessus, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que ça veut dire le fait de raser carrément la moustache, de tout enlever, ou de prendre une grande partie? Ce qui est sûr, c'est que l'ihfa, ça, c'est tout le monde est unanime là-dessus, c'est le fait d'enlever une grande partie de la moustache, vraiment d'enlever, mais beaucoup. Après, est-ce que c'est tout ou pas? Il y a un khilaf entre les ulama. Donc, le fait de raser, on peut pas dire que c'est une bid'a aussi, c'est la parole de certains parmi Ahl al-Ilm. Wa'afu, al-liha, et laisser pousser les barbes. Donc, là aussi, les ulama ils disent que a'afu, c'est le fait de laisser. Et donc, quand on regarde Zahir l'apparence des textes, c'est que le plus juste, c'est de laisser pousser la barbe sans la toucher. Ça, c'est ce qui est le plus juste, même si ça a été rapporté de certains salafs comme Abu Huraira, comme Ibn Omar, lors du Hajj, qu'ils ont coupé ce qui dépassait de l'qabda, c'est-à-dire de la main. Par contre, ce qu'il y a en dessous de la main, c'est quelque chose qui n'a été rapporté par personne parmi les salafs. Quelque chose qui n'existait pas chez les salafs. C'est-à-dire en dessous de la main. Le fait d'attraper la barbe avec la main, de couper de ce qui dépasse, ça a été rapporté, même si encore une fois, un nosos, qui comprend des textes, c'est le fait de laisser. Yani l'itlaq. Ensuite, il dit, Aw taqallada wataran, ay ja'alahu qiladatan fi 'unuqi aw 'unuq dabbatihi. Wa dha ash-shahid li tarjama. وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها وفي رواية محمد ابن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمه وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس أو تقلد وترا. C'est-à-dire celui qui fait de le water, donc cette fameuse corde d'arc usée, qui en fait un pendentif et qui l'attache à son cou, au cou des enfants ou au cou de leur bête. Et évidemment, c'est pour ça, ici il dit, c'est ce pourquoi, cette partie-là du hadith, ce pourquoi le cheikh Mohammed, rahimahullah, il a cité ce hadith-là dans ce bab-là. Et avec ce qu'on a vu précédemment, donc concernant le hukm des tamaim et le hukm, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on coupe tout ce qui est qiradatan min watar dans le premier hadith. Donc le fait qu'on ait cité précédemment qu'il s'agit de shirk, de par la croyance qu'ils avaient dans ces choses-là, comme on l'a dit, on sait qu'ils y accrochaient leur croyance en pensant que c'était un sabbat qui repoussait soit de leur bête, soit de ce à quoi ils l'accrochaient, l'aïn, le mauvais œil. Et dans la riwaya de Muhammad ibn Rabi', ou taqallada wataran yuridu tamima, c'est-à-dire celui qui accroche le watar autour du cou de sa bête ou autre, et qui veut par ceci en faire un talisman, un tamima. Et en fait, tout dalil qui est bon concernant le hukm du talisman, il est bon concernant le hukm de le watar. Et inversement. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce qui nous importe dans le hukm d'une chose, c'est sa cause. Encore une fois, la grande règle, hukm. Deux secondes. On reprend. Non, donc on a dit que tout dalil sur le hukm de le watar, donc de cette corde d'arc qu'ils utilisaient pour en faire un pendentif et à laquelle ils y accrochaient une croyance, comme on se rappelle dans le premier hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un messager pour dire Allah yabqayanna في عنق البعير قلادة أو قلادة من وتر. On avait dit que le plus juste c'était que c'était مشروب بالوتر. Donc tout pendentif qui était fait à partir de ça, le Prophète sallam, il avait ordonné qu'on le coupe, puisque c'était propagé à leur époque que c'est ils avaient les gens avaient une croyance dans ces choses-là. Et donc, Tamima, c'est la même chose. Tout ce qui est dalil pour Tamima, c'est un dalil pour le Watar, puisqu'on a dit que la cause du Hukm est la même. Et encore une fois, le Hukm yadour hawla illatihi wujudan wa adama. À partir du moment où le Hukm, le statut d'une chose, est lié à une cause, à une certaine cause, si on retrouve cette cause dans une autre chose, cette autre chose prendra le même Hukm. Donc, on appelle ça Tamima, ou qu'on appelle ça Watar, qiladatun min Watar. Le sens est le même, c'est une chose à laquelle on accroche une croyance, on s'accroche par la croyance en pensant que c'est un sebeb par lequel Allah subhanahu wa ta'ala repousse un mal ou nous procure un bien. Donc la cause est la même. Ensuite, troisième chose qui cite Awistanja birraji'i dabbatin aw azm. Il dit الرجيع العذيرة والروث سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا أي أزال النجوى به أو بعظم وفي صحيح مسلم لا تستنجو بالروث ولا بالعظم فإنها زاد إخوانكم من الجن. والاستنجاء بها كبيرة وظاهر المذهب لا يجزئ وفي الحديث إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit et celui qui se lave après ses besoins en utilisant quoi? En utilisant Raji'a dabba, c'est-à-dire du crottin d'un animal ou d'un os. Il dit Raji'a huwa al-'adhira, c'est-à-dire le Raji'a, comme on a dit, le crottin d'une bête. Warrawth. Et ça a été appelé de cette manière-là parce que la chose, elle revient à son état après avoir été de la nourriture. C'est-à-dire une chose, c'est de la nourriture, elle passe dans l'animal et elle ressort. Donc on appelle ça raji' ou à la fin. Donc c'était de la nourriture ou c'était de la nourriture pour les animaux. Le muhim, L'istinja, le sens, c'est le fait de retirer, d'enlever, donc, un najwa, c'est-à-dire le fadla, c'est-à-dire ce que l'animal il a rejeté, ou l'humain, comme après ses besoins, ou bi'adhm, c'est-à-dire par du crottin ou par un os. Et dans ça, c'est clair dans. Le Sahih de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'essuyer ses besoins avec du crottin ou avec des os. Et il a émis comme cause que c'est la nourriture de nos frères parmi les djinns. Donc les djinns, ils utilisent comme ils prennent comme nourriture les os. Et le crottin, wallahu alam, comme c'est zahir al-hadith. Donc le fait de l'utiliser pour ça, c'est comme on va le voir un grand péché. Et ce qui est le madhhab, zahirul madhhab, c'est-à-dire le madhhab dans le madhhab de l'imam Ahmed, c'est que le fait d'utiliser ceci comme donc pour suer ses besoins, pour se torcher, on peut dire, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la personne qui utilise ça, elle n'est pas considérée comme s'étant purifiée après avoir fait ses besoins. Pour deux choses. La première chose, c'est que dans le hadith qui suit ensuite, il dit innahuma layutahhiran, c'est-à-dire innahuma ar-rawth wal-'azm. Que ce soit le crottin ou les os, il ne purifie pas. Donc celui qui veut se purifier avec ça, en fait, sa purification, elle n'est pas valable et c'est comme s'il s'était pur... comme s'il ne s'était pas purifié de cette najasa. C'est-à-dire, il va faire ses besoins, il veut se laver avec soit des os ou soit avec du crottin. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'est purifié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à la base qui ne peut pas prier, ne peut pas prier dans cet état-là. Donc, basé sur ce hadith-là, innahuma layutahhiran est basé aussi sur la règle de Usul qui dit in an-nahy yaqtadi al-fasad. L'interdiction, elle implique al-fasad, c'est-à-dire elle implique le fait que cette chose-là qui est interdite, elle ne soit pas valable, qu'on ne puisse pas profiter de ce pourquoi elle a été faite en réalité, comme ici, on est interdit donc d'utiliser ça pour se purifier. Le fait de se purifier avec ce qui est donc interdit, ça, on n'en retire pas ce pourquoi ça a été, ce qu'on a recherché plutôt. C'est-à-dire, on a recherché à se purifier, le fait que ça soit interdit, la purification, elle est facile. Elle n'est pas valable. Al-Muhim. Ce qui nous intéresse donc, c'est le shahid, comme on dit, ou taqallada wataran, et à la fin du hadith, on a donc le khabar, fa'inna Muhammadan bari'um min. Donc le statut, le hukm de ceci, c'est quoi? Inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bari'um min. Professeur, inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Ici, il dit, wa'idun shadidun wa yadullu ala annahum min al-kaba'ir. تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراءه أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في زجري ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. Ici on a une grande menace, forte menace de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci, ça nous indique quoi? Ça nous indique que ces trois choses qu'il a citées, ça fait partie de l'kaba'ir, des grands péchés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il se désavoue de quelqu'un, ça montre que cette chose-là, ça fait partie des grands péchés. Il ne se désavoue pas de quelqu'un qui commet un petit péché. Donc le sens, c'est comme s'il disait anna man 'aqada lihyatahu fa inna Muhammadan bari'un min. أو تقلد وترا فإن محمدا بريء من أو استنجى بالرجيع دبة أو عظم فإن محمدا بريء من. Ici, il dit quelque chose d'important, c'est que ظاهر الحديث, ce qu'on comprend de l'apparence du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de la personne qui fait ceci. Alors on comprend bien que le désaveu ici, c'est pas ce qu'on appelle al-bara'a al-mutlaqa. C'est-à-dire, c'est pas le fait que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de manière totale de cette personne-là, puisque les trois choses qui sont citées, aucune n'est du shirk akbar. Aucune ne représente un annulant parmi les annulants de l'islam. Mais ça montre que c'est des grands péchés et ça montre la gravité de ces choses-là, puisque le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de cette personne, le désaveu que certains ils appellent le mutlaq al-bara'a. C'est-à-dire, c'est une bara'a, un désaveu partiel de cette personne-là pour cet acte-là qu'il a fait. C'est pas ce qu'on appelle al-bara'a al-mutlaqa, le fait de se désavouer totalement d'une personne parce qu'elle commet quelque chose qui annule la base de son islam. Et donc, il est sur une autre religion. Là, c'est al-bara'a, comme qala ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé cette sourate-là, qul ya ayyuhal kafirun, al-bara'atu min ash-shirk. Al-bara'atu min ash-shirk. À la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, yani shirk, wa liya ad-din, yani al-islam. Ce qui montre que le shirk, c'est un din. Ibadatu ghayrillahi ta'ala, shirk, le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un din. Comme le fait de donner le hukum, le jugement à un autre qu'Allah, c'est aussi un din. Comme Allah dit, إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Ça, c'est la religion de droiture. C'est quoi? Le fait de donner le hukm à Allah subhanahu wa ta'ala. إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Le jugement n'appartient qu'à Allah. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Il ne vous a ordonné de n'adorer que lui. Par quoi? Par le tahakum et par le hukm. Par le fait de juger avec sa loi pour le juge et le fait de demander un jugement à sa loi pour l'abid, pour le mutahakim. Et que ceci, c'est ça la religion de droiture. Dhalika ad-dinul qayyim. Ça, c'est la religion de droiture. Et donc, le fait de juger avec une autre loi que la sienne ou le fait de demander un jugement à un autre que lui, ça, c'est une autre religion. Comme le fait de donner l'ibad, l'adoration à un autre que lui, c'est une autre religion, comme Allah Jalla wa'ala dit, lakum dinukum waliyadin. Ou comme on retrouve dans le verset de Surat Yusuf, quand Allah Jalla wa'ala dit, ma kana li Yusuf an ya'khudh akhahu fi madha fi din al malik. Yani, si on regarde la parole des salaf, fi hukm al malik. Il n'appartenait pas à Yusuf de prendre son frère dans le hukm du roi, dans le jugement du roi. Et là, ce qui montre que, on en reparlera, inshallah, dans les chapitres du hukm, al-démocratie, donc cette religion qui dit que le hukm il appartient au peuple, le hukm li-sha'b, hukm li-sha'b li-sha'b bi-sha'b, comme ils disent, c'est une religion qui n'est pas la religion de l'islam. En islam, in al-hukm illa lillah. Dans la religion de la démocratie, in al-hukm li-sha'b, laysa lillahi ta'ala. Donc, al-bara'a, pour revenir à al-bara'a, comme ils disent certains, elle est soit bara'at mutlaqa. Bara'at mutlaqa, yani, ça c'est le désaveu total. Là, ce qu'on retrouve dans le verset de l'Mumtahina, Inna bura'a minkum, amimma ta'abuduna min dunillah kafarna bikum. أبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله البراهيثية البراءة المطلقة بالدليل كفرنا بكم بالدليل كفرنا بكم وبدا بيننا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده سجى حتى تعبدوا الله وحده وحتى تطيعوا الله وحده. Et ici, par contre, dans ce hadith-là, puisqu'on voit que les trois choses qu'il a citées, il n'y en a aucune de ces choses n'atteint le shirk al-akbar. Donc on comprend que ce qui est visé ici, c'est mutlaq al-bara'a. C'est al-bara'a partiel. Le professeur Salam, il se désavoue d'une personne partiellement pour ce qu'elle a commis de péché. Donc on tire de ce hadith-là que donc le fait d'accrocher, donc de prendre, d'utiliser cette chose-là comme pendentif pour l'accrocher au cou des bêtes pour repousser l'aïn d'elle, c'est, ça rentre dans le kaba'ir. Mais c'est pas une preuve, encore une fois, ce hadith-là, que ça rentre dans le shirk. Ce qui nous montre que ça rentre dans le shirk, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, où il dit, inna الرقى والتمائم والتوالات الشرك بس كنا دي ك التمائم الوتر ici وقلادة من وتر ça rentre dans التمائم ça fait partie de تميمة c'est un talisman qu'on accroche autour de du cou de la bête ou des enfants ou je ne sais quoi. Ici, il dit « Wa'an Sa'id ibn Jubayr qal » donc il finit avec un athar rapporté donc ou un athar de Sa'id ibn Jubayr, l'élève de Ibn Abbas, grand tabi'i. Où il dit « Wa'an Sa'id ibn Jubayr qal man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabatin rawahu waki'a » donc rapporté de Saïd ibn Jubayr qui a dit « Celui qui coupe le talisman que porte une personne, il a la récompense de celui qui a franchi un esclave ou qui a franchi une personne, un esclave. » Ça a été rapporté par Waqi'a. Et il dit « Ay kana lahu مثلو الثواب من اعتق رقبة لأنه مستعبد للشيطان فإذا قطعها اعتقه من أسر الشيطان ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي وقال الشارح له حكم الرفع وهو مرسل التابعي وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه في حكم المرفوع وذكر أنه مذهب لمن مالك والأكثر على خلافه ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع ابن المليح ابن عدي الرؤاسي أبو سفيان الثقة الحافظ العبد الكوفي قال الإمام أحمد ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه وقال ابن معين يحيى ما رأيت أفضل من صاحب التصانيف منها الجامع وغيره وروعنه الإمام أحمد وطبقته وكان من كبار التاسعة مات سنة 97 بعد المئة. Donc comme on a dit, le sens de la parole de Saïd ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, donc l'élève d'Ibn Abbas, c'est que celui qui coupe le talisman d'une personne, il a comme récompense, il a la même récompense de celui qui a franchi un esclave. Parce que dans la réalité, il est esclave du shaitan. Par son attachement à ce talisman-là, par sa croyance, il est attaché et il est asservi au Satan. Et le fait de le couper, c'est comme le fait de le délivrer du shaitan. Et donc, on trouve dans ce texte-là, dans ce athar-là, le mérite du fait de couper, d'arracher un talisman que quelqu'un porte, puisque c'est du shirk, et ça rentre dans tous les athars qui sont nombreux sur le mérite d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et en priorité par la main, comme ça vient dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. Ça rentre dans ce bab-là. Apporté par Muslim, ça rentre dans ce bab-là. Quelqu'un qui voit quelqu'un avec autour du cou, autour du poignet, autour du cou de son enfant ou d'une bête ou quoi, un talisman, le fait de l'arracher avec sa main, de le couper, ça rentre dans l'amr bil ma'ruf bil yad. Donc c'est la première étape dans l'amr bil ma'ruf et on avait vu les règles dans le wasitiya que c'est lié à l'qudra et qu'il ne repose pas là-dessus un plus grand mal, etc. Les règles de l'amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Il dit ici, et une telle chose, ça ne peut pas être dit par l'ijtihad. C'est-à-dire le fait de dire que c'est bien, c'est quelque chose qu'on retire des athars, des hadiths ou des versets du Coran, le bienfait d'interdire, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais dire que la récompense elle est semblable à celui qui a franchi un esclave, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Et donc ici il dit ça, Abdurrahman ibn Hassan, il dit ça a le même statut que Hukm al-Raf, C'est-à-dire, ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qu'il a pu inventer, sortir comme ça de sa tête. Et donc, il l'a forcément entendu de quelqu'un qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Saïd ibn Jubir, c'est un tabi'i. Ce n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc, il n'a pas entendu, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a rapporté d'un compagnon qui, lui, l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on appelle le mursal tabi'i. Mursal tabi'i, c'est-à-dire c'est le tabi'i qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a fait ça, ou etc. Et parmi les ulémas comme Ibn al-Arabi, ils ont dit que le mursal tabi'i, dans les choses qui ne font pas partie de l'ijtihad, comme c'est le cas ici, ça a le même hukm, ça a le même statut que ce qu'on appelle mursal al-sahabi. Mursal al-sahabi. Mursal al-sahabi, c'est lorsque un compagnon non, c'est pas ce que c'est. Il cite pas Mursal al-Sahabi, mais il dit qu'en fait, que Mursal al-Tabi'i, ça a le même hukm dans les choses qui font partie qui ne font pas partie de l'ijtihad, des choses qui ne peuvent pas sortir de l'ijtihad d'une personne. Ça a le même hukm que lorsque le compagnon, il dit quelque chose de semblable, il dit quelque chose qu'il ne peut pas avoir déduit d'un ijtihad. En général, ce qui concerne el-ghaïb, tout ce qui concerne el-ghaïb, les choses de l'invisible, ou ici ce qui concerne les récompenses d'une manière précise. Donc le mursal al-tabi'i, il a le même hukm que la parole du sahabi lorsqu'il dit quelque chose qui ne sort pas d'un ijtihad. Ça a le même hukm. On sait que le sahabi, quand il dit une chose et que cette chose-là, il ne peut pas l'avoir sortie d'un ijtihad, on dit lahu hukm al-raf'. C'est-à-dire, c'est comme si cette chose-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et lui, il l'a entendu. Même s'il ne dit pas, qala sallallahu alayhi wa sallam, kada wa kada, ça a le même hukm, ça a le même statut, parce que c'est pas quelque chose qu'il a pu déduire d'un ijtihad. Surtout ce qui concerne al-mughayyabat, ce qui concerne tout ce qui concerne al-akhira, ou al-qada, ou al-qadar, et l'akhiri. Mais il dit que, bon, il dit que c'est le madhhab de l'imam Malik, mais la majorité des ulama, ils disent que ça n'a pas le même statut. Le tabi'i, mursal tabi'i, lorsque le tabi'i il dit une chose comme ça, qui n'est pas le fruit d'un ijtihad, ça n'a pas le même hukm que lorsque c'est un sahabi qui le dit, c'est-à-dire ça n'a pas le hukm al-raf, ça n'a pas le hukm de la parole qui aurait été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y en a, ils disent que c'est le fruit de son ijtihad quand même. Et que, comme il l'a dit avant, c'est le fait de comparer le fait que celui qui est accroché par sa croyance à un thème, à un talisman, il est comme celui qui est asservi par le shaitan, qui est accroché au shaitan. Et le fait de lui arracher ce talisman-là, c'est le fait de le délivrer du Satan. Et donc, de par cette chose-là, c'est comme par cette chose-là, il a la même récompense que celui qui a franchi un esclave, c'est-à-dire il le libère. C'est une image, c'est un genre de comparaison. C'est un ijtihad, wallahu alam. Mais pour la majorité des ulama, ça n'a pas le même hukm. Ensuite, il nous dit qu'il nous présente Waqi' ibn al-Jarrah, donc un grand savant, Thiqat al-Hafidh, al-Abid, al-Kufi. L'imam Ahmad dit de lui qu'il n'a vu personne plus savant que lui, etc. La parole de l'ulama sur lui, il est mort en 197 de l'Hijra. Donc c'est l'imam Ahmed et les gens de sa génération qui ont rapporté de lui. عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Ibrahim, donc Waqi' il rapporte de Ibrahim al-Nakhai, donc de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, où Kanu, c'est-à-dire Kanu, les compagnons du Abdullah ibn Mas'oud, il voyait l'interdiction de tous les talismans, qu'ils soient faits à partir du Coran ou non, comme on l'a vu précédemment. On a vu qu'il y a un khilaf entre les salafs et que Abdullah ibn Mas'oud, radiallahu anhu, le rapporteur du hadith, donc du chapitre, Inna ar-ruqa wa tamaim wa tiwarata shirkun, lui voyait que rentrer dans at-tamaim tous les talismans, qu'ils soient faits à partir du Coran ou non. أي لوكيع ابن الجراح عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة ابن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبر الفقهاء روى عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها وعنه الأعمش وحماد وخلق متى سنة ست و 90 وله 50 سنة ومراده رحمه الله أصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث ابن السويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع ابن خثيم والسويد ابن غفلة وغيرهم من سادة التابعين. Donc وكيع comme on a dit, il a rapporté de Ibrahim An-Nakhai, qui rapporte des compagnons de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, que eux ils voyaient l'interdiction de toutes sortes de talismans, quelle que soit leur provenance. S'ils étaient faits avec des versets du Coran ou des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait pas de différence et que ça rentrait dans le hukm global du hadith Inna at-tama'ima shirkun. Non, donc c'est la parole des compagnons d'Abdullah comme Masrouq ou Alqama et d'autres, il a dit وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم وفي زمنهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم وصححه الشارح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عن أما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عن أيضا لما تقدم. Donc ici juste pour expliquer que dans sa parole il dit كانوا يكرهون. Quand ils disent يكرهون, c'est pas الكراهات يعني في الاصطلاح عند المتأخرين, c'est-à-dire c'est pas الكراهة dans le sens que c'est blâmable, c'est-à-dire celui qui le fait, il n'est pas châtié. Ou celui où qu'il s'agit de quelque chose que la charia, la législation n'a pas interdite de manière claire. C'est-à-dire la définition qu'il donne à al-makruh, globalement. C'est pas ça le sens, mais ici quand ils disent « كانوا يكرهون يعني يحرمون يرون التحريم » ils considéraient ça interdit. Comme Allah Jalla wa'ala cite dans Surat al-Isra, plein d'interdictions, en commençant par le shirk, et l'akhiri, à la fin des interdictions, Allah dit « وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَ » Ce n'est pas « makruh » dans le sens de l'istilah, « عند المتأخرين » c'est-à-dire celui qui le fait, il n'est pas puni. C'est mieux de le délaisser, mais celui qui le fait n'est pas puni. Ça, c'est « istilah » là, c'est des choses qui sont venues après. C'est pour ça que ça aussi, il faut pas comprendre, ça c'est une règle très importante, il ne faut pas chercher à comprendre le Coran et la Sunna avec des définitions qui sont des définitions qu'on retrouve dans les istilah de gens qui sont venus plus tard. Al-karaha, yakrahoun, ça ne veut pas dire al-karaha dans chez l'usuliyin, comme on l'a cité. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'interdiction. Il voyait donc Abdullah ibn Mas'ud et ses compagnons ne faisaient pas de différence entre les deux sortes de talismans, qu'ils soient du Coran ou d'autres choses que le Coran. Donc on termine le chapitre concernant Ruqa, la Ruqya, Tama'im, les talismans. Et le prochain chapitre, c'est باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Donc le chapitre de celui qui recherche la bénédiction d'un arbre, d'une pierre ou d'autre. Là encore, comme on verra, Inch'Allah, il est déjà 9h chez vous, donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On verra que là aussi, il y a dans At-Tabarruk, le fait de rechercher la bénédiction, il y a At-Tabarruk qui est shirki. Donc le fait de rechercher la bénédiction en donnant l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'était le cas de Quraysh et des gens qui les ressemblent aujourd'hui chez Al-Quburiyin, chez les adorateurs de tombes. Et Tabarruk qui est bid'i, qui est une bid'a, mais qui n'atteint pas le shirk akbar, comme le fait de prier auprès d'une tombe. Donc prier pour Allah Azza wa Jal. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans un endroit bien précis qui n'est pas légiféré, qui n'a pas de trace dans le Coran et la Sunna comme les mosquées. C'est qu'adorer Allah Jalla wa ala dans les mosquées ou dans certaines mosquées, ça on retire de là une bénédiction, c'est-à-dire une multiplication des récompenses. Mais il y en a certains qui vont faire ça auprès de tombes ou dans des endroits bien spécifiques qui n'ont aucun délil ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc c'est ce tabarruk là qui est bid'i, même s'il n'atteint pas le shirk. Par contre, tabarruk et shirki, c'est lorsqu'il contient du shirk, comme le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de donner certains actes d'adoration à un autre qu'Allah pour retirer la bénédiction de cette chose-là, ou de cette personne-là, ou autre. Inch'Allah, dans ce chapitre-là, on fera, puisque dans ce chapitre-là, il y a le fameux hadith de Abi Waqd al-Laythi, et du fameux hadith qu'on appelle Zat Anwat, donc qui est le sujet, qui est le hadith qui, sur lequel, ou un des textes mutashabih, donc qui est un texte qui est, qu'on peut dire, pas clair, qu'on peut comprendre de plusieurs sens, et qui est ambigu, équivoque, et qu'utilisent les gens de l'égarement aujourd'hui pour excuser les gens qui commettent le shirk akbar. Par l'ignorance, on sait que c'est un des piliers de leur argumentation, c'est ce hadith-là. Donc on fera un passage, incha'Allah ta'ala, assez long sur ce hadith-là et sur les règles à la base de, on reviendra sur ce que c'est al-muhkam ou al-mutashabih et quelle est la règle de al-sunna wal-jama'a dans la compréhension du Coran et de la sunna concernant al-muhkam al-mutashabih et que al-mutashabih doit systématiquement être renvoyé al-muhkam aux versets donc qui sont clairs, sans équivoque, sans aux textes qui sont clairs du Coran ou de la Sunna, sans équivoque, sans aucune ambiguïté, qu'on doit prendre comme base, comme règle, et auxquels on doit rapporter les textes qui, eux, sont ambigus, comme c'est le cas pour ce hadith-là et d'autres hadiths que les gens utilisent pour appuyer leur argumentation. Chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, donc le fameux excuse de l'udhr biljel, l'excuse par l'ignorance. Donc on fera, Inch'Allah, un passage là-dessus où on lira la parole de certains ahl al-ilm. Et comment les ulama, globalement, ils ont compris ce hadith-là, même chez ceux, on verra que les ulama, ils ont divergé, qu'il y en a certains parmi eux qui ont vu que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'atteint pas à la base le shirk akbar. Donc à partir de là, l'argumentation, elle ne tient déjà plus, puisque pour ceux qui ont dit que c'est du shirk asrar, même s'ils avaient commis ce shirk asrar-là, le shirk asrar ne les fait pas sortir de l'islam à l'unanimité. Et on verra comment même ceux qui ont compris que c'était ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignaient le shirk akbar, pourquoi ils n'ont pas mécru. Et ça, c'est la vie, le fait que ça atteigne le shirk al-akbar, c'est l'avis de la majorité des Immat al-Da'wa al-Najdiya. Même si avant eux, si on regarde dans la parole des ulama avant eux, la majorité des ulama, comme on lira la parole d'Ibn Taymiyyah, de Ishatibi et d'autres, personne n'a vu parmi ces gens-là que ça atteignait, personne n'a compris que ça atteignait le shirk akbar. Comme on le verra, on verra que, oh, Inch'Allah, on lira les paroles concernant le mahkam al-mutashabih. Et que c'est un sujet qui est très important Et comme les ulama ils disent, tu ne trouves pas quelqu'un parmi les gens de la bid'a sans qu'il se soit attaché à un texte qui est mutashabih et qu'il ait délaissé le muhkam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. On lira le tafsir Ibn Kathir de ce verset-là, parce que ça constitue, même si le hadith d'Abi Waqd al-Laythi, c'est une juz'iyya, c'est un hadith, mais on verra que cette règle-là de l'muhkam al-mutashabi, c'est quelque chose qui s'applique à toute la sharia, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans tous les sujets du din. Cette règle-là, c'est une règle très importante et c'est une règle qui s'applique comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a énoncé dans le Coran, qui s'applique au Coran, mais qui s'applique à la sunna et qui s'applique qui plus est à la parole des ulama. Qui s'applique qui plus est à la parole des ulama. On lira, inshallah wa ta'ala, on va un peu s'étendre sur ce chapitre, on lira quelques paroles qui sont bien connues et que ces gens-là utilisent pour excuser les mouchriquins dans l'ignorance des paroles de Mohammed ibn Abdel Wahhab ou d'autres, ou des paroles ambiguës qu'ils utilisent, et que donc cette règle-là del muhkam del mutashabi, elle s'applique au Coran et à la Sunna, mais encore plus à la parole de l'ulama. On ne peut pas s'attacher à la parole des alims qui est ambiguë, alors que ces alims-là, il a écrit un livre entier sur le fait que le mushrik, il n'est pas excusé dans l'ignorance, et que celui qui commet le shirk al-akbar, il sort de l'islam. Et aller utiliser des paroles tirées de certaines de ces textes pour essayer de faire comprendre que le shirk, il dit que le mushrik, il est excusé dans l'ignorance, alors qu'il a consacré un livre complet à ce sujet-là. On verra ça, inshallah, en détail. Sujet très important. وارتلا إن شاء الله ولو علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.